Bosco Douimane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des partis politiques élèvent la voix pour réclamer des textes légaux qui vont régir les prochaines élections. Vous entendrez les présidents des partis FNL et Sawanya Frodebou. Et la mairie de Bujumbura se penche sur les causes des mauvais résultats enregistrés par les élèves à l'examen d'État. Le maire a rencontré ce mardi les acteurs dans le secteur de l'éducation. Et des médiateurs collinaires de Kirundo réclament leur prime d'encouragement qu'ils n'ont pas perçue depuis 3 mois déjà. Et des femmes faisant le commerce ambulant à mairie de Bujumbura affirment être capables de concilier ce métier et la gestion de leur ménage. C'est un reportage que vous allez suivre. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti FNL demande au gouvernement de rendre disponibles les textes juridiques qui vont régir les prochaines élections. Jacques Guirimana, président de ce parti, trouve que la commission électorale ne peut pas faire correctement son travail sans tous les instruments indispensables. Il demande aussi à la nouvelle CENI de marquer une différence d'avec les autres commissions précédentes, comme celle de 2020, qui, selon lui, n'ont pas considéré les doléances des partenaires électoraux et souhaitent que ces démembrements soient plus inclusifs. On l'écoute au micro de Placide Niomongere. C'est quand même un peu gênant pour la CENI qu'elle soit là, alors que le réel outil de travail n'est pas sur place. Le réel outil de travail de la CENI, c'est la loi communale et c'est le code électoral. J'espère, et je ne me trompe pas, que l'étape qui va suivre dans les meilleurs délais, ce sera de mettre en place ces deux textes. Et au niveau de l'observation des élections, que dit le parti FNL? Les observateurs doivent être, bien sûr, une priorité. Qu'une élection dans le monde entier n'est pas assistée par des observateurs. Sinon, ce serait difficile que ces élections soient libres, transparentes et démocratiques. Quand il n'y a pas d'observateurs neutres, les élections de 2025 et 2027 devraient être différentes de celles tenues en 2020. Parce que les élections de 2020 ont été caractérisées par beaucoup de lacunes et dont la CENI d'alors est tenue responsable. Tout d'abord, les démembrements qu'on a pu observer étaient composés par des personnes appelées de la société civile. Alors que d'après les observateurs, d'après les partis politiques même, on a cru comprendre que c'était des membres du parti au pouvoir qui s'étaient déguisés en société civile. Alors, on n'aimerait pas que ce cache-cache, ce jeu de cache-cache reprenne. Et je lance aussi un appel à l'administration. Que le comportement que nous avons observé au niveau de l'administration pendant les élections de 2020, l'administration nous a fait perdre du temps et des moyens. Et la CENI ne nous a pas aidés. Il faut que cette fois-ci, il y ait collaboration entre l'administration, les partis politiques et la CENI. Il faut cette trilogie. Jacques Guirimana, président du parti FNL. Le parti Sawanya Frodebou exprime les mêmes préoccupations quant à la mise en place des textes légaux régissant les prochaines élections. Fenia Senigawa, vice-président de ce parti, indique qu'il serait aussi opportun d'avoir une commission d'observation avant, pendant et après les élections. Il plaide également à ce que les médias aient la carte blanche pour rapporter les élections au nom de leur crédibilité. Suivez-le. Au niveau du parti Sawanya Frodebou, voyons que les élections de 2025-2027, au niveau de l'organisation, il y a un problème déjà qui s'annonce. Le cadre légal n'est pas encore disponible. Ici, on peut citer le code électoral qui n'est pas encore là, on peut citer la loi communale qui n'est pas encore là. Alors qu'il y a eu beaucoup de changements. Souvenez-vous, nous avons actuellement un nouveau découpage administratif qui est là, sur lequel on doit se conformer. Nous devons faire un fichier électoral parce que la population augmente. Il y a beaucoup de choses maintenant à tenir compte. C'est pourquoi, au niveau des Frodebou, nous disons que le cadre légal doit être prêt pour qu'on puisse s'y conformer et préparer les élections conformément à la loi. Quant à l'observation électorale, au niveau des Frodebou, nous disons que l'observation électorale, c'est quelque chose de très important. C'est un des piliers qui peut disons, rendre crédibles les élections. Nous pensons que les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, sont nécessaires. Pour le Parti Soignant Fraude-Débout, il faut d'abord apprêter le code électoral. De là, la loi communale, il faut que vraiment ces instruments soient disponibles. Ça, c'est un. Deux, il faut d'abord comment, disons, laisser les médias publier les résultats sur le champ. Troisièmement, il faudra voir comment laisser les observateurs être libres sur le lieu, disons, des scrutins. Les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, il faudra les inviter le plus tôt possible et les inviter pour que ces derniers puissent venir voir ce qui se prépare, ce qui se fait au niveau des élections. Ça crédibilise ces élections, même les résultats des élections, même les autorités qui émanent de ces élections ont une force lorsque ces élections ont eu, disons, la silence de tout le monde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, les habitants utilisant le pont reliant les zones Kiramira et Chibitoke éprouvent des difficultés pour le transport de divers produits puisqu'il est cassé depuis 2 mois à cause d'un camion ben de l'entreprise Buseko qui transportait des objets lourds. Le chef de zone Kiramira affirme que les perceptions sur les taxes communales ont chuté. Le gouverneur de cette province tranquillise et dit que cette question est en train d'être analysée pour trouver une solution le plus tôt possible. Un reportage de Jackson Bahati, lu par Ornella Mouch. Arrivé sur ce pont cassé reliant les zones Kiramira et Chibitoke, c'est en commune Rugombo, les habitants de cette localité semblent être désemparés. Ils disent que ce pont facilitait le transport de différents produits de commerce de part et d'autre de ces deux zones, ce qui n'est plus le cas. La jeune dame rencontrée à ce lieu se plaint que comme conséquence, les prix de différents produits ont augmenté suite au trajet long pour avoir contourné. Maintenant, le transport des voitures passant sur le pont est impossible. Les chauffeurs doivent contourner et des fois, certains préfèrent abandonner. Et comme conséquence, pour nous qui produisons le vin de banane, le transport de ces boissons vers d'autres provinces est difficile. Selon notre témoignage, les élèves qui utilisent ce pont éprouvent aujourd'hui des difficultés et certains parmi eux ont même abandonné. Les élèves qui quittent Ruvumera pour aller à Kagazi ont des difficultés pour se déplacer. Même situation chez les élèves qui habitent à Kagazi et qui sont obligés de traverser pour aller à Ruvumera. La plupart d'eux ont préféré abandonner. Le chef de zone Kiramira, Jean-Marie Nduimana, indique que les pertes causées par ce pont sont déjà visibles au niveau des taxes communales et souhaite que ce pont soit réhabilité dans le plus bref délai. Les retombées causées par ce pont cassé sont déjà visibles au niveau des taxes communales. Vous voyez que cette route arrivait jusqu'au marché de Rukerereza. Et maintenant, y accéder, ce n'est plus facile. Et cela facilite le commerce informel, d'où recouvrir les taxes devient chose difficile. Comme il y a eu entente entre l'administration et le responsable de la benne qui a détruit ce pont, nous demandons que ce pont soit réhabilité le plus tôt possible. Le gouverneur de la province Chibitoke, Bizo Zakarem, tranquillise que cette question est en train d'être suivie par l'administration avec les responsables de l'entreprise Buseko pour réhabiliter son pont le plus tôt possible. C'est après qu'une benne de l'entreprise Buseko a cassé son pont lorsqu'elle transportait des objets lourds. C'était au mois de décembre de l'année passée. Retour en mairie de Bujumbura qui manque énormément de salles de classe et d'enseignants, ce qui serait à l'origine de mauvais résultats enregistrés lors de l'examen d'État. Cette problématique a fait l'objet d'échanges au cours d'une réunion organisée ce mardi par le maire de la ville de Bujumbura et des acteurs dans le secteur de l'éducation au niveau de cette circonscription territoriale. Parmi les recommandations formulées pour rectifier le tir, les participants ont proposé des sanctions à l'encontre des responsables des établissements défaillants. Un reportage de notre stagiaire Kwizera Aimé Vivre. Certains participants à cette réunion ont souligné que le manque de salles de classe est l'un des problèmes majeurs qui hante le secteur de l'éducation en mairie de Bujumbura. Ils donnent l'exemple qu'une seule classe peut accueillir plus de 180 élèves. Ils ont également énuméré le manque de bancs pupitres, les enseignants, les latrines, le comportement de certains élèves qui font l'école buissonnière, comme d'autres difficultés qui empêchent la réussite en mairie de Bujumbura. Ces participants soulignent aussi que la multiplicité des écoles privées fait défaut à un bon temps de réussite en mairie de Bujumbura. Parmi les solutions proposées par ces participants figurent les sanctions à l'endroit des responsables des établissements défaillants. La mairie de Bujumbura s'est placée 10e parmi les 18 provinces dans l'examen d'État édition 2023. Et un jeune a été grièvement blessé la nuit de ce dimanche à lundi dans la localité de Wikoma sur la colline Gwezan, commune Vianda de la province Bururi. Il a été tabassé par des personnes de cette même localité selon les membres de sa famille. Ce jeune qui était en état critique a été évacué la même nuit au centre de santé Gweza avant d'être transféré ce mardi vers une autre structure de soins. Les membres de sa famille demandent que les auteurs soient traduits en justice. Au niveau de la police, on fait savoir que les enquêtes sont déjà en cours. Zénon Zambuman. C'est un jeune âgé de 30 ans qui a été grièvement blessé au niveau de la tête et qui a été tabassé et laissé à l'état critique dans la localité d'Obikoma sur la colline Gweza de la commune de Vianda. C'était la nuit de ce dimanche. Les sources sur place indiquent qu'il a été évacué par des passants vers le centre de santé de Gweza avant d'être transféré ce mardi vers une autre structure de soins. Certains des membres de sa famille déplorent que les présumés auteurs ne sont pas jusqu'ici arrêtés alors qu'il y a des informations qui disent qu'il a été blessé et tabassé par certains parmi les personnes qui étaient dans cette localité de Wikoma. Ils disent qu'ils ont également besoin de connaître les mobiles de cette infraction qu'il qualifie de tentative d'assassinat. Au niveau de la police à Bururi, on fait savoir que les enquêtes sur ce cas sont déjà en cours. Les administratifs sur la colline Gweza, avec qui nous sommes entretenus, appellent la population à ne plus faire recours à la force, même en cas de différend, mais plutôt à porter plainte à la justice ou à résoudre pacifiquement les conflits pour respecter la vie de la personne humaine. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Et les médiateurs collinaires de la province de Kirundo viennent de passer à peu près 3 mois sans obtenir leur prix, mais certains disent que la dernière prime qu'ils ont perçue est de 23 500 francs burundais pour une période de plus de 6 mois. Ils soulignent que jusqu'ici, ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent avoir mensuellement et demandent au ministère de la Justice de leur faire cette précision. Abraham Safari. Les médiateurs collinaires de la province de Kirundo signalent qu'ils viennent de passer plus de 2 mois sans obtenir leur prime d'encouragement. Ces derniers précisent que depuis qu'ils ont commencé l'activité de médiation sur les collines, c'était au mois d'avril de l'année passée, ils ont eu la prime au mois d'octobre équivalent à 23 500 francs. Ils demandent au ministère de la Justice de préciser ce que chacun obtient mensuellement. Autre chose, ces médiateurs collinaires souhaitent que cette prime soit versée sur leur propre compte au lieu de les envoyer électroniquement via les téléphones mobiles. Ici, les médiateurs nous ont signalé que cette prime qu'ils ont eue au mois d'octobre dernier a été déposée dans des téléphones des personnes désignées. Or, selon eux, il doit y avoir des frais de transaction qu'ils doivent payer lors des retraits. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Et certaines femmes exerçant le commerce ambulant dans différents endroits de la ville de Bujumbura affirment qu'elles parviennent à concilier ce métier et les exigences du foyer. Elles témoignent que lorsqu'elles arrivent à la maison après avoir sillonné différents lieux stratégiques de la capitale économique, les heures du soir, elles s'occupent des travaux ménagers, notamment la cuisson et la propreté. Reportage Jean-Marie Vianengendakumana. Ces femmes qui exercent le commerce ambulant dans les différents endroits de la ville de Bujumbura indiquent qu'elles parviennent à concilier le métier de commerce et les exigences du foyer. Odette Nzokira, 34 ans, mère de 3 enfants, témoigne qu'avant d'aller s'approvisionner, elle doit d'abord préparer le petit déjeuner qu'elle donne à ses enfants. Moi, j'habite tout près d'ici. J'ai un programme, si nécessaire. Je fais un saut à la maison pour préparer la nourriture et je retourne à mon travail. Je fais le commerce ambulant, donc je fais des va-et-vient entre la maison et le travail. C'est lorsque je rentre le soir que je finalise toutes les préparations de la nourriture. Le soir, après avoir mangé, moi et ma famille, on s'apprête pour dormir. Le temps pour ma famille, c'est le week-end, samedi et dimanche. C'est là où on parle en tant que famille. Je prends de leurs nouvelles pour la semaine écoulée, laver les habits de mes enfants. Le samedi et dimanche est consacré à ma famille et les tâches ménagères. Fidèle Tenizigama, commerçante des arachides et manioc, indique qu'après avoir sillonné différents lieux de la capitale économique de Bujumbura, lorsqu'elle arrive à la maison, elle s'occupe des travaux ménagers, notamment la cuisson et la propreté. Des petits travaux que je fais lorsque j'arrive à la maison le soir sont entre autres la vaisselle que je n'ai pas pu faire ou que mon enfant n'a pas pu faire le matin. Je fais également le ménage. Je fais aussi la lessive de quelques habits. Je les laisse de côté dans un bassinet pour les laver le soir lorsque je reviens à la maison. Après, je prépare le repas. Ces femmes qui font le commerce ambulant précisent qu'elles s'occupent de ces travaux ménagers chaque jour après avoir terminé le commerce dans différents endroits où on rencontre beaucoup de personnes dans la nuit, notamment dans les bistrots. Et pour boucler ce journal à Kayanza, la saison culturelle a connu beaucoup de défis, parmi lesquels le retard des intrants agricoles, une faible quantité de semences hybrides de maïs. En effet, sur 200 tonnes commandées, le Bureau provincial de la protection de l'environnement, agriculture et élevage dit avoir réceptionné 17 tonnes seulement. Adalin Nyonsaba, directeur de ce bureau, craint un faible rendement agricole pour la saison culturelle A. Il appelle les agriculteurs de Kayanza à cultiver la patate douce dans les marais pour cette saison culturelle B. On l'écoute, il est traduit par Patrick Saint-Guillaume. La saison culturelle C a connu de nombreuses difficultés. Des semences, on en a bénéficié difficilement et ils sont arrivés en retard. J'ai commandé environ 200 tonnes de maïs hybride. On ne nous a donné que 17 tonnes seulement, aussi en retard. C'est-à-dire qu'on m'a donné moins de 10% de semences commandées. En plus de ça, s'ajoutent les fortes précipitations. Le constat est que le rendement agricole de cette saison culturelle A baissera parce qu'on a tardé à nous donner des agricole et le pays qu'on nous a donné a été obtenu en retard. Nous préparons la saison culturelle B. Nous sensibilisons les agriculteurs de labourer à temps les surfaces cultivables pour que ce qui ne sera pas obtenu pour cette saison culturelle A puisse être récolté dans la saison culturelle B. En ce qui est de la fumure, on est en train de l'acheminer dans des zones. On a eu déjà un certain nombre pour la fumure ou la chaux agricole. Il prétexte le manque du carburant. Mais nous disons qu'ils puissent demander du carburant à leur station-service pour donner aux agriculteurs à temps de la fumure et la chaux agricole afin qu'ils puissent semer à temps. Pour la culture de la patate douce, on peut récolter le maïs et le haricot, oui. Mais nous constatons que la culture de la patate douce n'est pas beaucoup cultivée. J'interpelle alors les moniteurs agricoles en collaboration avec l'administration de sensibiliser pour que dans pas mal de marais, vous connaissez que dans la province Kayanza, pendant la saison culturelle, B, il sème beaucoup le haricot. Et alors, semer le haricot dans les marais et sur les collines, on perd pour d'autres cultures. J'ai demandé aux agronomes communaux de sensibiliser pour que la culture de la patate douce soit cultivée afin qu'avec le mois de janvier, on puisse récolter le haricot et la patate douce. Nous pouvons équilibrer notre alimentation et ce, pour améliorer notre santé. La patate douce que l'on cultive aujourd'hui permettra aussi la baisse des prix, car la patate douce et chère aujourd'hui. Que les administratifs interviennent pour que les agriculteurs cultivent la patate douce. Et d'ailleurs, je souhaite que dans le petit marais, le juillet prochain, on y cultive de la patate douce. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.